T'es pas comme elle, t'es pas faite comme elle. Non, mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que dans le temps, je suis pas devenu comme elle. Ces autres savent tout, puis t'es pas de la glace. T'avais ta vie, t'avais ton évolution. Elle, elle avait la sienne. Exactement. On n'arrivera pas tout en même temps. Ah, il y en a qui vont arriver en temps. Mais ça y fait rien, lui, parce que ça ne sera même pas un retard. Il va arriver à son rythme. Je vais à son rythme. Pourquoi qu'on n'a pas à s'inquiéter si on est fusionné ou pas, si c'est ici ou ailleurs, ça sera bien quelque part dans le temps. Puis, exactement. L'évolution, c'est pas nos affaires. Non. Pas nos affaires. Hein? L'évolution, c'est pas nos affaires. Pourquoi est-ce que ben, les gens n'évoluent pas à la même rythme parce qu'ils ne sont pas rendus au même stage, ils ne sont pas à la même distance. Mm-hmm. Mais dans l'évolution, si deux hommes ont commencé à évoluer en même temps, pourquoi l'une va arriver avant l'autre? Qui c'est que j'ai dit deux hommes ont commencé à évoluer en même temps? Ça recommence pas à penser, là, tu t'en venais bien. Ouais, je pense qu'on va prendre bien les petits prégatoires parce qu'il fait chaud ici dans l'enfer. Hein. T'es fait sur le calorifère. J'ai énergé les deux bouts. Ok, j'ai parlé de la confiance. Il y en a un autre? Oui, je pense que. Non. Du coup? Je touche les mal saisis dans une difficulté avec des personnes. Non, c'est pas ça. Bon. Sur la tour, parler du coup, moi, j'ai compris qu'un groupe, il faut être un groupe pour pouvoir. Bon, je vais en parler une autre fois. Parler de ça. Je vais pas parler de ça. Une autre ligne. Une autre ligne. Il y en a-tu d'autres? Pas important. Il y en a-tu un autre? Une autre fois. Il faut que je reste d'une vibration. Y a-t-il un autre? L'humilité. L'humilité? Ça, pas ça non plus. Y a-t-il un autre? Pas, non. Y en a où? Le transmis de l'alimentation. Encore bien moins. La simplicité. Ce qui est mérite pour finir. C'est le plus approprié maintenant. Il y a deux choses. Il y a deux choses qui sont appropriées maintenant. Puis je vais l'élever, ce que je te dis, je vais l'élever pour que ça serve à tout le monde. La première chose qui t'est appropriée maintenant, c'est de comprendre que ce que je dis, moi, c'est bien subtil ce que je vous lance. C'est de comprendre que ce que je dis, c'est pas sujet à discussion ou à interprétation. C'est sujet seulement à votre compréhension intérieure. Okay? Ça, c'est bien important. Si vous discutez ce que je dis ou vous le soumettez à l'interprétation, vous allez perdre votre temps. Mais si vous allez intérieurement et checker ce que je dis intérieurement, là, vous grandissez automatiquement dans votre propre intelligence. Ça, c'est important. Ça, c'est une grosse clé. Dans ton cas, puis ça sert à tout le monde anyway. Il y en a qui sont moins. Qui ont moins besoin de la clé que d'autres. Puis l'autre chose qui est importante qui est pour toi, c'est de comprendre que le doute psychologique est nécessaire pour détruire le doute psychologique. Puis le doute psychologique se détruit seulement d'une façon, quand on ramène ce que l'on sait ou ce que l'on reçoit ou ce que l'on ressent à notre intelligence. Pour toujours laisser notre intelligence intérieure trancher la question une fois pour toutes. Il faut qu'on laisse notre intelligence trancher la question. Il faut qu'on laisse notre intelligence toujours trancher les questions, même si on n'est pas satisfait de la réponse. Parce que le but de notre intelligence, c'est pas de nous donner de la connaissance. Le but de notre intelligence, c'est seulement de nous éclairer